Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta grâce, Seigneur, nous sommes ici prêts pour entendre ta parole, pour écouter ta parole. Seigneur, bénis-nous. Dispose nos cœurs, Saint-Esprit, pour recevoir cette parole au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour moi comme un homme, je suis un homme. Mais ce matin, que ton esprit parle à ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Alléluia, asseyez-vous s'il vous plaît. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, le souhaiter la bienvenue? Alléluia. Okay. Ce matin, ce dimanche, c'est un culte pour la croisade Jésus qui guérit. Alléluia. Je ne sais pas si on a une vidéo à montrer. Hein? On ne s'est pas préparé. Alléluia. Yeah. Vous vous rappelez de la vidéo qu'on a montrée la semaine passée? C'était la semaine passée? Ah, ok. Donc ce matin, je pense que vous avez préparé, vous êtes préparé pour supporter la croisade. C'est bon? Vous êtes préparé? Oh, 3 personnes seulement. Alléluia. Donc ce matin, nous allons essaie de prendre de l'argent. Alléluia. Je vais prendre ton argent pour supporter la croisade. Parce que toi, tu peux pas aller évangéliser. Alléluia. Mais quelqu'un allait évangéliser et il a besoin de support. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc, ce matin, nous allons voir un peu la parole de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Alléluia. Qui peut lire pour moi? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. OK, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et même le dimanche passé, on a parlé de quoi, les 7 étapes qui amènent à quoi? À être né de nouveau, c'est ça? Yeah. Les 7 étapes pour être né de nouveau. Alléluia. Vous l'appelez des étapes. La première étape, c'est quoi? Pardon? Reconnaître quoi? Connaître pécheur. Deuxième étape. Le salaire du pécheur est quoi? La mort. Troisième. Pardon? Hey, gracia. Tu es là déjà. Alléluia. L'amour de quoi? Dieu a aimé le monde et veut pas qu'on reçoive ce salaire, c'est ça? Et quatrième? Pardon? Ah, qui sont ceux qui étaient là dimanche passé? Waouh, il y a beaucoup qui n'étaient pas là dimanche passé. Donc vous étiez où? Donc, où sont ceux qui n'étaient pas là dimanche passé? Ok, c'est comme il y en a 2 groupes de membres. Un groupe vient ce dimanche, ne vient pas la semaine passée. Et les chrétiens. Ok, alléluia. 4e étape, c'est de quoi? Croire que Jésus est le sauveur. Alléluia. 5e, de faire quoi? Confesser quoi? Je n'entends pas. Ok, confesser le sauveur pour recevoir le salut. C'est 6e? 7e, c'est quoi? Hey, Voilà. Recevoir Jésus comme sauveur. Et puis septième, pratiquer. Alléluia. Ouais, j'ai réalisé, c'était la semaine passée, hein, le Saint-Esprit m'a dit que beaucoup de chrétiens n'aiment pas la parole, ne méditent pas la parole, ne lisent pas la parole. Ah, et puis c'est vous. On a juste fait seulement 7 jours, vous avez oublié le message. Hein? Ceux qui étaient là dimanche passé, même l'été, ne sont pas là ce matin. Et je pense que ceux qui sont là ce matin vont venir dimanche prochain. Vous serez là dimanche prochain. Yeah. Yeah. Vous voyez, ces jours-ci, les chrétiens aiment les sensations. Ah, je sais pas. Garcia, c'est un bon français. C'est un mot français. Les sensations. Les miracles. Hein? Quelque chose, un clin d'œil, donc tout a changé. Je viens et puis je fais comme ça. Et puis j'ai un habit blanc. Là, on va dire que le Saint-Esprit est là. Yeah. Les gens veulent imposition des mains. Yeah. L'huile d'onction. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Les gens veulent faire comme ça un problème, je fais comme ça et puis le problème est parti. Yeah. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui veulent avoir. Alléluia. Yeah. C'est bon, ça a une place dans nos vies, la vie d'un chrétien. Mais ça ne fait pas grandir le chrétien. Ça ne change pas le chrétien. Après l'imposition des mains, tu dois grandir comme chrétien. Hein? Et la seule chose qui fait ça, là, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir par l'onction, l'huile d'onction. Est-ce que vous comprenez? Ta vie ne va pas changer par, je sais pas, ce que tu veux là. Hein? Maintenant, les chrétiens veulent que les pasteurs soient des magiciens. Et puis, on vient faire une magie, on fait quelque chose et puis tout change. Non. On veut pas, on n'aime pas la parole de Dieu. C'est vrai, bien sûr. Amenez donc me regarder là. Ça ne m'empêche pas. Hein? Et je veux que les membres d'Abelinque aiment la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La parole, la parole, la parole. La parole, la parole. Yeah, la parole. Est-ce que vous comprenez? Les membres d'Abelinque vont toujours demander, ça c'est quel verset? Ça c'est quel verset? Ce que tu me dis là, c'est quel verset? C'est où? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, sinon, tu vas te perdre. Sinon, tu vas te perdre. Sinon, tu vas te perdre. Tu ne vas jamais grandir. Alléluia. Un jour, un bouddhiste va venir et puis tu vas partir avec le bouddhiste. Parce que tu ne connais pas pourquoi tu es là. Tu ne sais pas pourquoi tu es ici ce matin. Est-ce que tu es là, tu connais pourquoi tu es ici ce matin? Ça, c'est quel verset? Quel verset? Tu vois, tu n'as pas de base biblique. Tu n'as pas de verset. Donc, dimanche prochain, tu ne seras pas là. Tu ne seras pas là dimanche parce que tu n'as pas de base biblique. Si tu as de base biblique, personne ne va t'appeler pour venir à l'église. Alléluia. Vous êtes là? Yeah! Tu n'as pas de base biblique. Tu n'as pas de base biblique. On est tout jeune. Hein? On est tout jeune. Et puis, on veut faire des propositions, on veut se marier. Yeah. Ça, c'est quelle base? Ça, c'est là. Tu as une base biblique pour faire la proposition. Hein? Je dis parce que je dis aux filles, lorsqu'un garçon vient faire une proposition, il faut lui demander, ça, c'est quel verset? Ça, c'est quel verset? Parce que tout a une base biblique, c'est une base biblique. Ou bien, vous êtes là, vous me regardez parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Le chrétien n'arrive même pas à mémoriser les versets. On a un verset ce matin. Marc chapitre quoi? Marc chapitre, Maoli. Marc chapitre 3, 6. Marc chapitre 8, verset 36. Yeah, les versets qu'on a mémorisés depuis janvier là. Les gens ont oublié. Jeudi passé, on a dû mémoriser tous ces versets. Qui sont ceux qui étaient là dimanche passé? Jeudi. Vous vous rappelez? Matthieu 28, verset 18 dit quoi? Sur la terre. Du Saint-Esprit et Matthieu. Alléluia. Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26, c'est quoi? Matthieu 16, verset 26. Matthieu 10, verset 16. C'est ça? Matthieu 10, verset 16, c'est quoi? Soyez. Hé, hey, Chaliva, qu'est-ce que tu as dit? Matthieu 6, verset 33. Quel est le dernier verset? Matthieu 5, verset 16, c'est quoi? Matthieu 5, verset 16. Alléluia! Vous avez oublié! Alléluia! Et ce matin, on a Marc chapitre 8, verset 36 et 37. C'est le même verset que Matthieu, quoi? Non, Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, 26? OK. Marc chapitre 8, verset quoi, 34? 36, 37. Alléluia. C'est le même verset. On a un même verset dans Matthieu qu'on a déjà appris. Alléluia. Matthieu 8, verset 36 et 37. Marc chapitre 8, verset 36 et puis verset 37. Qui dit quoi? Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Est-ce qu'on peut mémoriser ça ce matin? Matthieu 8, verset 36. Marc 8, verset 36. OK, on lit ensemble. Marc 8, verset 36. Il semble que les gens ne lisent pas. Tout le monde, on doit mémoriser ce verset ce matin. Prends ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, regarde la Bible de ton voisin, s'il te plaît. Tout le monde, s'il vous plaît. On ne veut pas avoir les chrétiens qui n'aiment pas la parole de Dieu. On dit ouvrir, les gens ne veulent pas ouvrir la Bible même. Ça, c'est quel chrétien on a aujourd'hui? S'il vous plaît. Marc chapitre 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? OK, on lit encore. Marc 8, verset 36. Vous avez faim? OK, une fois encore, Marc 8. Marc 8. Alléluia. On répète le verset au début et à la fin. On dit Marc 8, verset 36, 37. On finit, on dit Marc 8, verset 36, 37. Pour ne pas oublier. Parce que beaucoup d'annonces, c'est que, il y a un verset qui dit, Marc 8, comment on dit? Chercher premièrement le royaume des cieux, mais on ne sait pas exactement là où se trouve le verset. Donc, lorsque tu répètes le verset du début à la fin, ça t'aide à ne pas oublier là où se trouve le verset. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la manière dont on mémorise un verset. OK? Donc, on recommence. Marc 8, verset 36 à 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme change de son âme? Alléluia. Marc 8. Une fois encore, Marc. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? En échange de son âme. Hein? Encore? Et une fois encore, OK, maintenant ferme ta Bible. OK. OK. Marc, OK, on commence. Est-ce qu'on peut commencer? 1, 2. Je regarde les bouches, OK? En échange de son âme. Ce groupe ici, là, Marc 8. Hey, s'il vous plaît. Fort. Marc 8, 36 à 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Marc 8, verset 36 à 37. Alléluia! On doit avoir des chrétiens qui jouent aux instruments, qui connaissent la parole. Yeah. Les choristes qui connaissent la parole. On est chrétien avant d'être choriste. On est chrétien avant d'être instrumentiste. On est chrétien avant de faire toute autre chose. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, les chrétiens doivent connaître la parole. Doivent mémoriser la parole. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, ce verset, ces deux versets sont des versets de méditation pour toi, pour cette semaine. Toute la semaine, c'est Marc 8, 36, 37. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Tu vas réaliser que ta vie n'est pas seulement ce que tu es en train de faire. Parce que tu peux avoir tout le monde entier et puis tu vas te perdre. Tu vas perdre ton âme. Tu vas aller dans l'enfer. Ça te t'amène à penser à ton salut, à ton âme, à prendre soin de ton salut. Alléluia! Est-ce que vous savez que le salut, c'est pas automatique? Tu peux perdre ton salut. Vous savez ça? Yeah! Dans ce verset, tu médites et tu réalises que mon salut est très important. À part les études que je fais, à part le travail, je dois aussi penser, essayer de prendre soin de mon salut pour ne pas le perdre, pour ne pas le perdre. Ou bien, parce que je peux perdre et puis aller dans l'enfer. Je peux gagner toutes les richesses de ce monde et puis aller dans l'enfer. Et cela te montre que ton âme est plus chère que toutes les richesses de ce monde. Et tu que donnerais-tu en échange de mon âme? Que donnerait un homme en échange de mon âme? Est-ce que vous comprenez? Toutes les richesses de ce monde sont moins chères que toi, ton âme. Yeah. Yeah. Si tu veux acclamer à Dieu, acclame Dieu, c'est pas moi. Acclame Dieu. Yeah. Cela veut dire que tu es important. Tu es cher. A été racheté par le sang de Jésus. Donc, tu n'as pas fait n'importe quoi. Tu dois pas faire n'importe tes bêtises. Alléluia. Yeah. Wow. OK. Donc, notre verset, OK, 2 Corinthiens 5, 17. J'ai seulement 10 minutes à prêcher. 2 Corinthiens 7, 17. 2 Corinthiens 7, 17. 5, 17, OK. Qui dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Alléluia. C'est la différence entre la chrétienté et les autres religions. Il n'y a pas de religion qui dit que tu es créé de nouveau. Tu es recréé. Il n'y a pas de religion. C'est la seule religion. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? C'est ça qui nous différencie. Il y a un changement intérieur. Alléluia. Comme Nicodème a demandé, Jean 3, est-ce que je dois entrer dans le sein de ma mère et renaître? Il dit non. Ce qui est né de chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, tu as un nouveau esprit en toi. Tu as un nouveau esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi il dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Nouvelle création, la différence. La différence. Alléluia. Amen. Pour être né de nouveau. Pour être né de nouveau. Wow. Donc, si tu as un nouveau esprit, d'accord? Tu as un nouveau esprit. Tu as une âme et tu vis dans le corps. Hein? Tu vis dans le corps. Tu as un esprit. Ton esprit est né de nouveau. Lorsque tu es en Christ, ton esprit est né de nouveau. Alléluia. Tu es sauvé pour le ciel. Amen. Mais ton âme n'est pas née de nouveau. L'âme, c'est l'intelligence, les désirs, la volonté. N'est pas née de nouveau. Tu as les mêmes désirs, tu as les mêmes volontés, la même intelligence. Alléluia. C'est pas né de nouveau. Ton corps n'est pas né de nouveau. Est-ce que vous comprenez un peu? Ton corps n'est pas né de nouveau. Ton corps n'est pas né de nouveau. Alléluia, c'est seulement ton esprit qui est né de nouveau. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton corps maintenant? Hein? Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Donc, ce matin, on va voir quatre dimensions de la chair. Ton corps, c'est la chair. Quatre dimensions de la chair qui est ton corps, qui n'est pas né de nouveau. Hein? Qui n'est pas né de nouveau. Alléluia. Yeah. Romains 12, on va lire Romains 12, verset 1-2. Romains 12, verset 1-2. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. À offrir ton corps. Lorsque tu es né de nouveau, tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que tu offres ton corps? C'est ça qui confirme que nous sommes des esprits. Tu es esprit. Donc, tu peux offrir ton corps comme un sacrifice saint et agréable, vivant. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes ici. La chorale, vous êtes ici. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, tu peux offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Et le verset 2 parle de l'intelligence, de l'âme. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, ton intelligence doit être renouvelée et ton corps, tu dois offrir ton corps comme un sacrifice saint, vivant, saint et agréable. Alléluia. Amen. Donc, on va voir les quatre dimensions de la chair, ou bien de ton corps, les quatre dimensions, ou bien les quatre types de corps. Alléluia. Amen. Vous êtes là. Lorsque tu es né de nouveau, ton corps ne change pas. Tu es toujours la même personne. Tes cheveux, ta taille, hein, ta bouche, tes yeux, Omerine, tu es tes yeux, hein. Tu es la même personne, rien ne change de ton corps. Alléluia. Dans la première dimension du corps, c'est le corps, bien la chair de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. La chair de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. De ceux qui n'ont pas le salut. Alléluia. Vous êtes là. La chair de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Je vais aller très vite parce qu'on a beaucoup de choses à faire. OK? Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 8. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alléluia. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils, ou bien dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Ça, c'est la chair de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. En accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère et comme les autres. Wow! Est-ce que vous avez vu la chair de ceux qui ne sont pas nés? Il dit, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois comme selon les convoitises de notre chair et accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Est-ce que vous avez vu? Yeah, nous vivions comme avant, en accomplissant les convoitises de la chair. De ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils font ce la chair leur demande de faire. Ils suivent la chair. Alléluia. Et ils suivent tout ce qui vient dans leur pensée, ils font. Est-ce que vous comprenez? Yeah, c'est quoi? Ils vont voler. Faire tout ce qui vient, et puis ils sont contents. Ils sont contents. Alléluia. Yeah. C'est pourquoi c'était dans nous, avant d'être nés de nouveau, parfois on veut aller pécher et puis on prie Dieu. Ou bien, yeah, les gens prient, ils veulent aller pécher, mais puis que cela réussisse. C'est vrai ou bien c'est faux? Yeah. Et puis après avoir réussi, on remercie Dieu. On prie un certain Dieu. Est-ce que vous comprenez? Yeah, ça c'est la chair de celui qui n'est pas né de nouveau. Donc, sa pensée, l'intelligence et son esprit sont en accord avec ce qu'il est en train de faire. Ah, c'est pourquoi il dit quoi? En accomplissant quoi? En accomplissant la volonté, ou bien les volontés de la chair. Et quoi encore? Et de nos pensées. Ils sont d'accord, la pensée, l'esprit, le cœur, l'esprit, le corps, sont tous d'accord de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Ça, c'est la première dimension. Et parfois, on voit les chrétiens qui sont dans ce cas. OK. Yeah. Je me rappelle, il y avait un membre à l'église ici. Il est parti. Je ne sais pas s'il est maintenant dans l'église, bien il est sauvé. Alléluia. Un jour, j'ai appris qu'il a allé forniquer avec une fille. Et puis, il était content. Il dit que maintenant, je me sens bien. Yeah. Il dit, je me sens très bien après avoir forniqué avec la personne. Tu vois que cette personne n'est pas née de nouveau. Yeah. C'est pourquoi il n'aime pas l'église même. Je ne sais pas s'il est maintenant né de nouveau. Yeah. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Parce que la personne, le cœur de la personne, toi aussi tu es là. Comment on l'appelle? Les Gabonais reviennent. Alléluia. Jérémie chapitre 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Yeah. Est-ce que vous avez vu? Le cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Yeah. Tu vois, par exemple, lorsque Liberia, c'est à Lyon, dans la guerre, lorsqu'il avait la guerre, il coupait la main des gens. On dit marche courte ou bien marche longue. Marche longue, on te coupe ici. Marche courte, c'est ici. On coupe et puis les gens sont contents, sont en train de couper. Tu vois combien de fois la chair de celui qui n'est pas né de nouveau est tellement méchant et puis il est content lorsqu'il est en train de pécher. Oh là là, c'est ça. Oh là là. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc tu vas voir. Celui qui n'est pas né de nouveau, des idées. Par exemple, ceux qui font l'homosexuel là. Des idées bizarres. Est-ce que tu as une fois vu un chien et puis un chien en train de forniquer? Hein? Des animaux, tu as vu des animaux mâles? Deux animaux mâles qui sont en train de forniquer? Non! Donc tu vois que ce sont des idées bizarres. Est-ce que vous comprenez? Yeah, c'est pas qu'on les aime pas, les actes, on n'aime pas les actes qu'ils sont en train de faire. C'est pas que nous les critiquons. Alléluia. Mais ils sont en train de monter quelque chose. Voir comment est-ce que lorsque la personne n'est pas née de nouveau, la manière dont la personne agit. Alléluia. Et même dans certains pays, lorsque tu pars contre ces choses, on va t'emprisonner tout de suite. Tu vois les idées? Les idées bizarres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Mais deuxième dimension de la chair, hein, ok, la chair, hein, incontrôlée. Il y a un mot comme ça. La chair qui n'est pas contrôlée, bien la chair d'un chrétien qui n'est pas contrôlée. Yeah. Alléluia. La chair d'un chrétien qui n'est pas contrôlée. Ça, c'est la deuxième dimension. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Qui n'est pas contrôlé. La chair d'un chrétien qui n'est pas contrôlé, c'est comme la chair de celui qui n'est pas né de nouveau. Yeah. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Toi, tu n'écris, il n'y a rien. Tu n'as pas de Bible, tu n'as pas de Bible. Hein? Non, il ne faut pas venir à l'église sans rien apporter. Il faut avoir un note pour noter les versets. C'est là, dimanche prochain, si tu te poses la question, tu ne vas pas. Tu vas oublier tout. Parce que lorsqu'on a fait des recherches, on a réalisé qu'après, comment on dit? Après, c'est seulement, tu vas garder seulement 11% de ce que j'ai dit. Tu vas oublier tous les autres. Alléluia. Amen. La chair d'un chrétien qui n'est pas contrôlé, c'est comme la chair de celui qui n'est pas né de nouveau. Alléluia. Mais quelle est la différence? La différence maintenant, parce que celui qui est né de nouveau, a un nouveau esprit, a un nouveau cœur, donc il se sent mal. Est-ce que vous comprenez? Yeah, cette personne se sent mal de ce qu'il a fait. C'est pourquoi lorsqu'un chrétien pêche, il se sent mal. Parfois, tu vas pleurer. Yeah. Et cela dit que lorsque tu pêches et tu ne sens rien, ça a un point d'interrogation sur ton salut. Yeah. Si rien ne touche ton cœur, si tu es à l'aise dans la fornication, tu es à l'aise lorsque tu voles le téléphone à l'église. Parce que les gens volent le téléphone et les trucs à l'église. Yeah, c'est pas tout le monde qui est chrétien ici. Faut regarder ton voisin. Hein? Hein? Quelqu'un a volé le téléphone de l'évêque, même l'évêque a dit. Hey! Les gens n'ont pas peur. Alléluia. Yeah. Donc, c'est pourquoi le chrétien se sent mal lorsque tu fais un péché. Cela veut dire que tu as un nouveau cœur. Mais quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il n'a pas ce qu'il a toujours, le cœur ancien. Et donc, il est content lorsqu'il fait un péché. Alléluia. Vous êtes là. Ça, c'est la deuxième dimension. OK. On va lire ce verset. OK. Romains 8, verset 1. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Bien, Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit et de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ces choses, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. 1 Corinthiens. Il dit quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Waouh. Ah. C'est quoi parfois moi j'ai vu les gens qui viennent à l'église et puis ne reviennent plus. Parce que ils viennent et puis voient des chrétiens qui sont encore dans le péché. Qui n'ont pas leur corps n'est pas contrôlé. Ne contrôle pas. Alléluia. Yeah. Il ne doit pas avoir ces chrétiens ici. Yeah. Parce que vous êtes nés de nouveau. Alléluia. Yeah. Donc, tu vois que quel que soit ton niveau, tu peux être pasteur, tu peux être pape, tu peux être évêque. Hein? Ta chair n'est pas née de nouveau. Yeah. Et tu peux, ça, si tu ne contrôles pas ta chair, tu peux pécher. Hein? Est-ce que vous comprenez? Yeah, tu peux pécher. Tu peux pécher. Tu peux pécher. Je peux pécher si je ne contrôle pas ma chair. C'est pas parce que je suis pasteur. Vous comprenez? Yeah. C'est quoi, vous voyez des nouvelles où quelqu'un dit que ce pasteur ou bien cet évêque a fait ça, là, là, là. C'est parce que la personne a laissé le corps un peu dans le péché. Ou bien? Yeah. Yeah. Yeah. Tout le monde peut, si tu ne contrôles pas ton corps, tu peux pécher. Et donc cela nous amène à la troisième dimension de l'accord, le corps contrôlé. Bien la chair contrôlée du chrétien. Donc, première dimension, la chair de celui qui n'est pas né de nouveau. Deuxième dimension, la chair d'un chrétien qui est né de nouveau, qui n'est pas contrôlé. Et troisième dimension, la chair qui est contrôlée. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Que nous contrôlions nos corps. La chair contrôlée, tu peux se contrôler. Hein? Dans Romains 12, verset 1, il dit quoi? Tu offres ton corps. Comme un sacrifice vivant, tu offres le corps. Cela veut dire que tu peux contrôler le corps. Hein? La personne même, c'est l'esprit. Donc, l'esprit peut contrôler le corps. Tu dis au corps, assieds-toi. Lève-toi, va à l'église. Ou bien, yeah, lève-toi, va à l'église. Hein? Le corps contrôlé d'un chrétien. Qui contrôle? Tu es esprit. Ok, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens. Vous êtes là? Il y a 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27 dit quoi? Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite le corps durement, bien durement le corps et je le tiens assujetti. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là. Que tu peux traiter durement ton corps. Tu peux. C'est possible. Sinon, le Seigneur ne va pas te demander. Ici, Paul est en train de... Paul, le prophète ou bien l'apôtre. Paul, l'apôtre. Qui a vision de Jésus. Qui a vu Jésus. Qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Il dit que je traite durement mon corps. Est-ce que vous voyez? Donc, si Paul réalise que non, si je ne fais pas attention, je peux pécher, non. Traite ton corps et toi et moi. On n'est même pas berger pour devenir pasteur et apôtre. Vraiment. Hein? Philippiens 3:3, il dit la même chose là-bas. Philippiens 3:3. Philippiens 3:3. OK. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Yeah. Il n'a pas confiance dans la chair. S'il ne contrôle pas la chair peut commencer à faire des bêtises. Est-ce que vous voyez? Yeah, tu ne peux pas avoir confiance dans la chair. Tu dis, oh, moi, je suis berger. Donc, tu vas dormir dans la chambre de la fille. Hey! Tu es allé? Oh, fais pas confiance à la chair. Tu dis, oh non, je vais dormir, je ne vais rien faire, je ne vais pas la toucher. Tu vas voir que dans la nuit, tu te lèves et puis tu n'arrives pas à dormir. Le sang chauffe. Est-ce que vous comprenez? Il ne fait pas confiance. Paul ne fait pas confiance dans son corps, dans sa chair. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Yeah. Wow. Il est là. OK. Donc, l'une chose, deux choses que tu peux faire pour contrôler ton corps. À partir d'aujourd'hui. Hein? Cherche à faire les choses qui sont dures. Yeah. Lorsque tu veux faire les choses faciles, tu ne vas pas contrôler ton corps. Yeah. Fais les choses dures. Yeah. Fais les choses dures. Tu vas voir que tu peux contrôler ton corps. Parce que le corps aime les choses faciles. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Le corps aime les choses faciles. Alléluia. Par exemple, te lever pour prier. Le sommeil, c'est doux. Et c'est ce que le corps aime. Pour te lever pour prier le matin, c'est pas facile. Tu vois? Mais tu dis non, je veux faire ce qui est dû. Tu contrôles le corps. Tu dis corps, lève-toi pour prier. Tu vois, l'esprit veut faire ce qui est bien. Mais le corps ne veut pas. C'est comme on est en train de jeûner. Oh, la nourriture, c'est douce, hein? Je me rappelle un collègue au bureau. Le jour-là, on a dit que le département va jeûner. Donc, on a commencé le matin. Vers midi, 1h. Ou bien 13h. Midi, 13h. Il a dit, ah, la nourriture est très douce. Et puis, il n'a pas pu jeûner. Yeah. Le corps aime ce qui est facile, ce qui est doux, ce qui est bien, ce qui est facile à... Mais l'esprit, tu dois contrôler le corps, faire ce qui est dur. Sinon, tu ne peux pas contrôler le corps. Alléluia. Yeah. Yeah. Un homme, tu te lèves le matin. Ça, c'est la biologie. Oh. La biologie se réalise dans ta vie. Le matin, les garçons, vous savez ce que je dis. Yeah. La biologie. Ça, c'est naturel. Yeah. Tu te lèves, dis, tais-toi, mon frère. Tais-toi, mon frère. La biologie et la chimie, c'est la chimie. Bien la biologie. Okay. Alléluia. Amen. Tu peux contrôler ton corps. Tu peux contrôler. C'est possible. Sinon, Dieu ne va pas dire offre ton corps comme un sacrifice vivant. Saint et agréable. Tu peux contrôler. C'est possible. Yeah. Si tu dis que c'est pas possible, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Wow. Donc, quatrième dimension, c'est le nouveau corps. Le corps spirituel. Vous connaissez ça? Le corps spirituel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. 1 Corinthiens 15, 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il se meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps hein, comme il le plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais tout autre Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux et autre celle des poissons. OK? Il y a aussi les corps des célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat du corps céleste. Autre est le corps, est celui des corps terrestres. Alléluia. Donc tu vois le corps céleste. Hein? Verset 41. Autre à l'éclat du soleil, autre à l'éclat de la lune, autre à l'éclat des étoiles. Même l'étoile, une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alléluia. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. C'est ça la même chose. Corps incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme et il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc le corps animal. Toi, même si avec les bêtises là, le corps là ne peut pas aller au ciel. Alléluia. Donc ceux qui sont morts, on a enterré. Hein? Dis à ton voisin, ton corps là on va l'enterrer dans le cimetière. Yeah, on va l'enterrer, puis ça va te décomposer. Alléluia. Mais nous tous, la vie à la résurrection. Lorsque Jésus vient, nous serons ressuscités, on va prendre un autre corps céleste. Alléluia. Yeah, c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus s'est ressuscité. J'ai regardé une vidéo de ce temps-là, de la résurrection. Il avait le même corps. Mais il allait rencontrer les disciples, il a dit que ça c'est un nouveau corps. Alléluia. Yeah, un nouveau corps. Maintenant, il a un nouveau corps. Amen. Yeah. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre selon, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste et tels sont aussi les célestes. Forgive. Les expressions là. C'est un peu, forgive. Alléluia. Mais verset. Il faut lire tout le passage, vous allez comprendre. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêti l'incorruptible et que ce corps mortel aura revêti l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort est engloutie dans la victoire. Alléluia. Yeah. Donc, à la résurrection, nous allons prendre un nouveau corps. Yeah. Et la Bible dit que lorsque Jésus vient, le jour là, ceux qui sont vivants vont être changés. Tu vas prendre un autre corps. Mais ceux qu'on a enterrés vont aussi prendre un corps. Et ce corps, c'est le corps céleste, ou bien le corps incorruptible, ou bien le corps spirituel. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah, c'est pourquoi lorsque quelqu'un meurt, nous les chrétiens, on ne pleure pas beaucoup. On a un espoir que le jour-là, on va être ressuscité et on va prendre un nouveau corps. Alléluia. Yeah. Yeah. Ça va arriver. Pratiquement, réalité, on va voir ça. Un jour, alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Yeah. Et donc, c'est ce corps, Dieu dit qu'un jour, si nous sommes toujours en Christ, nous allons prendre ce corps et on va aller au ciel avec ce corps. Alléluia. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle? Levez-vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons. Le Seigneur. Alléluia. Donc, il faut maintenant réfléchir un peu, voir quel niveau, quelle dimension tu as. Au moins, tout le monde n'aura pas la dimension, la quatrième dimension. Ou bien, on n'a pas la quatrième dimension. On attend le jour. Alléluia. Mais à quelles trois dimensions? Tu es où? Première dimension? Deuxième dimension? Troisième dimension? Hein? Et nous devons tous prier ou bien s'efforcer à être à la troisième dimension. Peut-être que tu as deuxième dimension, tu es né de nouveau, mais tu ne contrôles pas ton corps. Personne, le Saint-Esprit ne va pas contrôler ton corps, c'est toi-même qui dois contrôler. Il dit, offre ton corps comme un sacrifice vivant et saint. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Si tu es né de nouveau et tu ne contrôles pas ton corps, tu es comme quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Et c'est ce que le monde critique les chrétiens, parce qu'on ne contrôle pas nos corps. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que tu n'arrives pas à contrôler. Peut-être que tu ne veux pas contrôler. Tu veux toujours continuer avec ce que tu faisais avant. Alléluia. Mais ce matin, tu veux décider. Seigneur, je veux contrôler mon corps. Alléluia. Est-ce que tu veux contrôler ton corps? Tu veux pouvoir contrôler ton... Tu peux contrôler. Tu peux contrôler. Alléluia. Fermez les yeux et prie ce matin. Dis merci à la parole. Et demande, comme Paul a dit, je mets... Paul a dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, je tiens mon corps assujetti. Je tiens mon corps assujetti. Tu veux dire, comme Paul, je veux tenir mon corps assujetti. Je veux mettre mon corps sous contrôle. Sous contrôle. Sous contrôle. Parce que ton esprit veut faire le bien. Ton esprit ne veut pas pécher. C'est le corps qui veut pécher. C'est le corps qui ne veut pas faire les choses dures. C'est le corps. Mais tu veux offrir ton corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Ce matin, prie. Seigneur, donne-moi la force. La force à mon esprit pour pouvoir contrôler mon corps au nom de Jésus. Prie cette prière ce matin pour 2 minutes. Prie, Seigneur, donne-moi la force intérieure, la force à mon esprit pour pouvoir contrôler ce corps qui aime le péché, le corps qui aime le péché. Seigneur, au nom de Jésus, merci pour cette force divine qui vient d'en haut. Seigneur, merci. Merci. Merci. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner en toi. Je veux être fort. Je veux être fort. Je veux être fort. Pourquoi contrôler mon corps? Au nom de Jésus. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Oh, je veux m'enraciner. Oh, lève les mains. Dis Seigneur, je veux m'enraciner. Lève les mains. Le Seigneur va te donner la force de pouvoir résister aux tentations. Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner à toi. Le Seigneur te fortifie ce matin. Le Seigneur te donne la force divine. La force qui vient de ton esprit. Pour pouvoir contrôler. Tenir à résister ton corps. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-nous la force intérieure. Donne-nous la force divine. Donne-nous la force à nos esprits. Pour pouvoir contrôler. Pour pouvoir offrir nos corps comme un sacrifice saint, vivant, vivant et agréable. Au nom de Jésus. Je marche par ta parole. Yahweh, j'irai. Je me montre. Et la tempête. Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner à toi, Jésus. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh Seigneur, merci. Nous voulons nous enraciner, Seigneur. Nous voulons être forts ce matin. Seigneur, je prie pour chacun ici. Fortifie leur esprit. Fortifie l'homme intérieur pour pouvoir contrôler le corps, pour pouvoir tenir assujetti le corps. Au nom de Jésus, Seigneur, tout chacun, tous ceux qui entendent ma voix ce matin, Seigneur, donne-leur la force divine pour pouvoir tenir assujetti leur corps au nom de Jésus, pour qu'ils puissent, Seigneur, offrir leur corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à toi. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci. Merci. Et tout le monde dise amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, pousser un cri de joie? Alléluia. Avant de s'asseoir, nous voulons prier. Je veux prier pour toi ce matin. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Si tu es là, tu n'as pas le salut. Tu n'as pas le salut. Tu n'as pas reçu Jésus comme ton sauveur. La Bible, à moins que Jésus a dit à Nicodème, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu ne verras le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, tu vas aller dans l'enfer. Tu vas périr dans l'enfer. Mais ce matin, tu veux dire, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux être né de nouveau. Je veux recevoir le salut. Si tu es là, le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Ce matin, si tu crois que Dieu a envoyé Jésus, lève la main, je vais prier avec toi. Lève la main. Avant de partir, tu veux dire non, je ne veux pas partir sans recevoir le salut. Merci. Merci. Je vois la main. Je vois la main. Lève la main. Toi aussi, tu veux lever. Merci. Merci. Je vois les mains. Merci. Lève la main. Lève ta main aussi. Lève ta main aussi. Merci. Je vois ta main. Je vois ta main. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il y a quelqu'un qui ne veut pas lever la main. Je veux te prier de lever la main. On ne sait jamais. Jésus peut venir demain. La fin peut, c'est la semaine prochaine. Et tu n'auras pas cette opportunité de donner ta vie. Et tu vas te retrouver dans l'enfer. C'est une réalité, c'est une vérité. Si tu crois, lève la main. Seigneur, merci. Tous ceux qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez venir devant? Venez devant. Je vais prier avec vous. Mon frère, viens. Mon frère, en bleu. En bleu. Oh, viens. En bleu, tu as levé la main, viens, viens, toi, oui, non, toi aussi, toi, oui, viens. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, vous allez faire une prière très, très importante, d'accord? Peut-être que vous allez sentir quelque chose, mais peut-être que vous n'allez rien sentir. Mais je vais vous demander de croire à cette prière et le Seigneur va vous donner un nouveau esprit au nom de Jésus. C'est spirituel. Alléluia. Et vous allez avoir une nouvelle vie. Amen. Donc fermez les yeux et vous allez répéter après moi. Dis Seigneur, je te remercie. Ce matin, je réalise que j'ai besoin de toi. Je réalise que je ne suis pas né de nouveau. Et je crois que tu as envoyé ton Fils pour me sauver. Et ce matin, je le confesse qu'il est sauveur. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Je veux te servir le reste de ma vie. Et Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, merci. Dis, Satan, écoute-moi bien. Je ne vais plus te servir. Je veux servir Dieu le reste de ma vie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est une prière simple. Alléluia. Mais c'est une prière très, très importante. Parce que tu as un nouveau esprit. Alléluia. La vie que tu es une nouvelle créature. Pas ton corps. Ton corps n'est pas né de nouveau. Ton corps n'est pas changé. Tu as toujours le même corps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant tu as un nouveau esprit qui est prêt pour servir Dieu, qui est prêt pour obéir à les commandements de Dieu. Alléluia. Et donc, c'est une bonne chose que vous avez fait ce matin.